En italien, le verbe pouvoir se dit potere. P-O-T-E-R-E. Potere. Qui fait penser à potentiel, par exemple. Alors, comment diriez-vous je peux le faire? Je peux, tout d'abord. Posso. Posso. Et je peux le faire? Posso farlo. Posso farlo. Et pouvez-vous le faire? Può farlo. Può farlo. Bien. Nous pouvons se dire possiamo avec deux S. Possiamo. Et nous ne pouvons pas le faire? Non possiamo. Non lo possiamo. Lo non possiamo. Lo non possiamo veut dire le nous ne pouvons pas. Donc ça ne va pas. Alors, non lo possiamo? Ça c'est nous ne le pouvons pas, ce qui est correct en italien. Non lo possiamo. Mais je vous ai demandé de dire nous ne pouvons pas le faire. Non possiamo farlo. Non possiamo farlo. Ou non lo possiamo fare. C'est ça. Non lo possiamo fare. Rappelle-moi comment on dit pouvoir, le verbe pouvoir. Potere. Potere. Alors, comment diriez-vous je pourrais? Est-ce que ce serait... Oui, ce serait exactement ça. potro. Bien, potro. C'est tout à fait ça, potro. Et je pourrais le faire pour vous? Potrò farlo per lei. Voilà, potrò farlo per lei. Mais je ne pourrai pas le faire aujourd'hui parce que je serai très occupée. Occupée au masculin. Alors, depuis le début, mais je ne pourrai pas le faire aujourd'hui, comment dites-vous ça? Ma non potrò farlo. Aujourd'hui, comment dit-on aujourd'hui? C'est un mot qui ressemble au début du bon français. Oggi. Oggi, très bien. Ma non potrò farlo oggi. Ma non potrò farlo oggi, oui. Là, c'est un futur, c'est clair. Je ne pourrai pas. Oui. Je ne pourrai pas le faire aujourd'hui. Non potrò farlo oggi parce que je serai très occupée. Perché? Sarà. Ah, sarà. Je serai. Sarò. Sarò. C'est ça. Sarò. Sarò. Sarò molto occupato. Très bien. À votre tour maintenant. Je serai très occupée aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'est une femme qui parle. Sarò molto occupata oggi. Bien. Sarò molto occupata oggi. Dites maintenant, quand pourrez-vous le faire? Quando potrà? Quando potrà farlo? Oui, quando potrà farlo? Et maintenant, traduisez, nous pourrons partir avec vous demain. Possiamo, si vous voulez, mais... Possiamo, non, posseremo. Posseremo? Je ne sais pas, à vous de trouver la solution. Ou potremo? Ah, vous voyez, quand vous réfléchissez, vous finissez par trouver la réponse. Potremo? Oui. Alors, une chose très importante. Ne vous fiez jamais à votre oreille, à ce qui vous semble bien à l'oreille. Vous devez réfléchir. Ce que vous dites doit toujours être l'aboutissement d'une réflexion. En français aussi, ce que vous dites s'accompagne d'une réflexion. La seule différence, c'est que parfois, dans une langue étrangère, en l'occurrence en italien, il vous faut analyser les choses pas à pas avant de parler. C'est parfois une démarche un peu irrégulière, parce que vous aurez déjà assimilé certaines choses et que vous commencerez à penser directement en italien. Donc, vous ferez peut-être une phrase dont une partie vous viendra automatiquement, directement en italien. C'est là qu'il faut faire attention, parce que justement, il ne faut jamais que ce soit purement automatique. Il faut toujours qu'il y ait une réflexion. Et puis, dans votre phrase, il y aura d'autres éléments qui devront être pensés pas à pas. Mais la chose à retenir, c'est l'importance de la réflexion. Même dans votre propre langue, en français, j'espère que ce que vous dites n'est pas une succession d'automatismes, mais le résultat d'une réflexion, même si elle se fait directement dans votre langue maternelle. Alors, revenons à notre phrase. Nous pourrons partir avec vous demain si vous voulez. Potremo? Attention à l'accentuation. Au futur, on insiste sur le O uniquement pour je. Potrò, je pourrai. Mais pour nous, nous pourrons partir. Potremo partire. Avec vous. Con lei. Demain. Domani. Si vous voulez. Se vuole. Potremo partire con lei domani, se vuole. Voilà. Nous pourrons, c'est bien potremo. Potremo. Potremo. Potremo partire con lei domani, se vuole. Nous pourrons partir avec vous demain, si vous voulez.